remonter le temps pour revivre comme avant, retrouver ses sentiments et redevenir insouciant. Oh non, non, non, non, le futur ne vaut rien. Faut-il être de plus en plus prudent? Sens contre du...